LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Soirée dans un film de Buñuel, il y a la fin comme ça d'un charme discret de la bourgeoisie où il y a plusieurs personnes qui marchent en silence sur une route de campagne. Au départ, ça donne un effet comique, et puis peu à peu, comme la séquence est assez longue, plutôt un effet inquiétant, parce qu'ils ont l'air déterminés à quoi, on ne sait pas vraiment, mais enfin, ils marchent comme ça. Ils occupent toute la largeur de la route, sur une petite route de campagne, et on ne sait pas, ils vont peut-être vers leur destin. Philosopher avec son corps, bienvenue en phénoménologie. Épisode 2. Pensée en chair et en os. Élise Gruau, Marie-Laure Ciboulet. Bruce Bégou, pour vous, qu'est-ce que c'est la phénoménologie? Ah, ben, je cherche encore. Mais c'est une inspiration, c'est un mouvement. C'est une théorie de l'expérience et c'est une théorie qui se veut au plus proche de l'expérience. Comme le terme le dit, c'est une phénoménologie, c'est un discours des phénomènes. Alors comment parler des phénomènes? On essaie d'en parler de manière différente, des scientifiques, des sociologues ou d'autres courants de la philosophie. Donc on essaie de trouver un logos qui soit le plus fidèle aux phénomènes. Vous savez, il y avait une expression antique qui disait « il faut sauver les phénomènes ». Donc on essaie de leur rendre justice quoi, dans leur pluralité, dans leur singularité. Et donc la phénoménologie, elle aspire à comprendre, à décrire le singulier en tant que singulier au moment même où il apparaît et décrire ses modes d'apparition, etc. Donc oui, je crois que c'est une tentative d'être fidèle à l'expérience. Husserl disait au fond, la phénoménologie, c'est dire l'expérience muette. Et il y a une expérience qui est autour de nous, elle est muette, elle ne se dit pas, les arbres ne parlent pas, le ciel ne parle pas, les nombres ne parlent pas. C'est à nous de les faire parler, mais on doit les faire parler comme si c'était eux qui parlaient, et de pas, en fait, recouvrir leur voix par la nôtre. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'on parlait de fidélité, c'est toujours difficile de faire parler les choses à leur place et pas à notre place. Mais c'est ce qui, en tout cas, m'attire, et c'est ce pourquoi... je travaille et j'y consacre d'une certaine manière ma vie depuis plus de 30 ans, donc à faire de la phénoménologie. Ouais. On a un rayon de soleil. Je ne sais pas si c'est de bon augure, mais on va le prendre. Bruce Bégou, j'aimerais bien comprendre comment ça marche la phénoménologie. Idéalement, ce serait une description du monde qui s'effectuerait sans préjugés, sans projeter des idées préconçues sur ce que l'on voit et ce que l'on observe. Dit comme ceci, cela paraît simple, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, parce que d'abord, il faut se défaire justement de ses préjugés, de ses idées préconçues. C'est pas si facile. Et l'idée de décrire au fond les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas donné à tout le monde. Peut-être que les écrivains y arrivent de temps en temps, et peut-être que les phénoménologues aspirent en fait à cet idéal, mais bon, souvent on décrit les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on les voit, quoi. Donc, mais idéalement, il faudrait justement franchir la barrière de la subjectivité pour atteindre au fond les choses mêmes, comme disait Husserl, le retour aux choses mêmes. Mais quand vous dites décrire le monde, décrire les choses, est-ce que ce n'est pas toujours l'attitude des philosophes, ça? Oh non, la plupart du temps, c'est plutôt interpréter, comprendre, connaître. La description est souvent considérée, au fond, comme la dimension la plus plate du travail philosophique. Or, décrire, au fond, c'est déjà comprendre, d'où l'importance des descriptions. Mais c'est vrai que si vous ouvrez un ouvrage de philosophie, il y a rarement des descriptions, il y a plutôt des analyses, des interprétations. Mais la phénoménologie, elle veut d'abord être une description, on pourrait dire, renouvelée et fraîche du monde. Comme si, au fond, bon, c'est une image qu'on peut observer, comme si on était un aveugle qui, tout d'un coup, recouvrait la vue et voyait pour la première fois le monde. Il y a 5 minutes au moins que je te regarde, j'ai l'impression de te voir pour la première fois. Il y a les vignes devant nous, oui. Sur les collines. Oui, oui. Parce que c'est assez escarpé, on est sur un promontoire. Donc quand on descend là, dans la vallée, il y a presque 100 mètres de dénivelé. Donc ça fait une bonne petite promenade. Et puis même si vous partez sur les autres collines, c'est assez escarpé ça. Des gens qui font du trail. Je ne sais pas où, ni quand. Je me souviens seulement que c'est arrivé. C'est un sentiment que j'ai cherché toute la journée. Il y avait l'odeur des arbres. J'étais le monde. Et que le monde était moi. Le paysage, c'est comme un visage. Au début du XXe siècle, le mathématicien allemand Edmund Husserl invente la phénoménologie qui met le corps au cœur de la pensée. Dans les années 30, de jeunes philosophes français s'enthousiasment pour cette nouvelle approche philosophique. Parmi eux, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Emmanuel Lévinas, Alexandre Coiré ou encore Maurice Merleau-Ponty. Dans son livre « La force de l'âge », Simone de Beauvoir raconte comment au tournant des années 1932-33, alors qu'elle se trouvait avec Sartre et Aron au Bec de Gaz, rue du Montparnasse, Raymond Aron, qui venait de passer un an à Berlin à étudier cette nouvelle philosophie, pointe à son verre en expliquant que pour les disciples de Husserl, parler de leur cocktail, c'était aussi de la philosophie. Si l'on en croit Beauvoir, à ces mots, Sartre aurait pâli d'émotion. C'était précisément son ambition, ramener la philosophie au quotidien et l'ancrer dans la description de l'expérience vécue. Alors, de quoi s'agit-il ? Difficile de résumer ce vaste courant dont les questionnements fertiles se prolongent jusqu'à nous. Nous sommes partis à la recherche de quelques fondamentaux. Notre petite enquête commence à Lectour dans le Gers, où vit le philosophe Bruce Bégou. Bruce Bégou, pourquoi il y a cette importance de la description dans la phénoménologie ? Je pense que ceux qui ont initié le mouvement phénoménologique, en particulier Husserl, étaient peut-être déçus d'une philosophie très théorique, très académique, et qui, au fond, essayait de répondre à des problèmes qui avaient été mal posés. Donc la description permettait de balayer un peu toutes ces manières traditionnelles de poser les problèmes de l'esprit, du corps, de la connaissance, et de recommencer au fond à nouveau frais l'œuvre de la connaissance. Donc, si les objectifs restaient relativement classiques, c'est-à-dire qu'est-ce que connaître, etc., mais les moyens se voulaient nouveaux et se voulaient un peu une réaction à une sorte d'érudition académique un peu vieillotte et compassée. Donc il y avait une sorte de mouvement comme ça très neuf, quoi, à la fin du 19e siècle dans la phénoménologie, qui existe d'ailleurs à mon sens encore, qui explique sans doute la vigueur des études phénoménologiques, en tout cas en France et en Europe, par cette idée qu'il faut toujours recommencer un peu sur le métier, quoi, le travail du philosophe. Emmanuel Lévinas se souvient de sa rencontre avec Edmund Husserl en 1957. J'ai vu Husserl en 1928. C'était déjà un homme âgé. Ce qui était très frappant, c'est la manière dont il incarnait physiquement sa philosophie. Sa pensée se traduisait dans certains mouvements. Il avait d'abord le regard tourné un peu vers l'intérieur, et quand il parlait de la vie qui se joue, il avait un mouvement des deux mains qui s'écartaient et qui esquissait le geste de quelqu'un qui joue sur un clavier. Et quand il parlait du pôle objectif, il joignait les deux index, et quand il parlait du pôle subjectif, il joignait les deux pouces. La phénoménologie, c'est d'abord un travail d'attention, parce que la plupart du temps, toutes les choses sont là, sauf qu'on ne les remarque pas. Et donc la phénoménologie, c'est une manière, au fond, de remarquer ce qu'on avait déjà remarqué sans le remarquer. Enfin, vous voyez, c'est de dire, au fond, tout est là, nous savons tout, mais nous ne savons pas ce que nous savons. Et donc notre travail, ce n'est pas d'inventer quelque chose de nouveau, ce n'est pas, vous voyez, d'aller chercher quelque chose derrière le rideau des phénomènes. C'est-à-dire, les phénomènes sont là, mais la plupart du temps, nous les ignorons, nous ne les remarquons pas ou ne faisons pas attention à eux. Effectivement, le travail de la phénoménologie, c'est d'abord un travail de conversion de l'attention, quoi, de se tourner vers eux et de les voir tels qu'ils se donnent. Donc sans doute, la phénoménologie, ce serait une manière de convertir la vision en regard. Puisque je ne peux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase ni à la subjectivité qui m'exile, puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant, je regarde autour de moi plus que jamais. Le monde, mon semblable, mon frère. Il y a quelque chose de très important dans la phénoménologie. Clara da Silva. C'est l'idée qu'on va revenir aux choses mêmes. Professeur de philosophie en terminale. Ça, c'est une grande idée qu'on trouve chez Husserl, le retour à aux choses mêmes. Donc, on va décrire la manière dont on perçoit les choses, la manière dont on les vit. Donc, plutôt que d'aborder les choses de façon très abstraite, on va en quelque sorte partir de l'expérience vécue. Donc, c'est une méthode qui permet de partir du corps. Enfin, quand je dis le corps, c'est très large, mais c'est l'expérience perceptive, en fait, hein, qui se fait à travers le corps et qui permet de partir de quelque chose de vraiment incarné pour aller vers l'abstraction et non pas l'inverse. Ce qu'on peut trouver depuis, évidemment, depuis Platon, hein, la philosophie, c'est une discipline qui cherche des essences, hein, qui cherche des définitions et qui a quelque chose, en effet, de très abstrait. Et là, tout d'un coup, dans cette rencontre avec la phénoménologie, pour moi, ça a été... On a un corps. Ce corps, c'est pas seulement un intermédiaire, c'est sans doute mon premier rapport au monde, mon rapport premier même au monde, plutôt que mon premier rapport au monde. Et c'est ce thème-là qui m'a complètement retournée. Il y a des grandes figures dans l'histoire de la philosophie qui ont délaissé le corps ou qui l'ont disqualifié, comme par exemple Platon, enfin, dans cette affirmation assez célèbre où il dit que le corps est un tombeau, le soma en grec est un séma, un tombeau. Nathalie Deprat, philosophe phénoménologue. Donc en fait, c'est quelque chose qui, pour lui, est très problématique. Enfin, il va valoriser l'âme qui peut s'élever et qui peut nous faire voir des réalités sublimes. Et il va délaisser le corps parce que, justement, il considère que c'est de la matière dont on peut rien faire. Et on a même un diagnostic assez proche chez un certain Descartes, pas toute la philosophie Descartes, mais un certain Descartes qui, lui aussi, nous dit que l'esprit est plus aisé à connaître que le corps. Donc le corps, c'est quelque chose de confus, de chaotique, d'obscur, enfin, qui nous empêche de connaître, en fait. Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Il y avait un poids quand même extrêmement négatif qui avait été mis sur le corps pendant des siècles. Donc, pour moi, c'était vraiment une sorte d'issue. Prendre appui sur cette philosophie, c'était une manière, justement, de redonner à notre existence un sens incarné. Et donc, à partir de là, voilà, de nous retrouver nous-mêmes, par la même. Edmund Husserl, donc, a utilisé deux termes, en fait, pour dire le corps, parce qu'il voyait bien qu'il y avait un problème avec le sens habituel du corps comme chose. Et il fallait utiliser un autre terme, alors qui était très courant en allemand, mais qu'il a vraiment identifié comme une notion, justement, pour décrire cette réalité globale, corps, âme, esprit. Et il a utilisé un terme qui est le terme Leib, qu'on traduit aujourd'hui par chair, plutôt que par corps, justement, parce que le terme chair, il permet de rendre compte de la réalité globale, en fait, de l'être humain, à la fois sensible, conscient, plus ou moins... Incarné, en tout cas. Leib, c'est L-E-I-B. Hein. L-E-I-B, c'est ouais, ça. C'est et ça vient de, en allemand, ça vient de Leben, de la vie, en fait. Et ça, c'est aussi intéressant parce que, justement, ça permet de mettre à distance tout de suite ce qui, dans le corps, serait seulement une chose inerte, vous voyez, enfin, physique. C'est du côté du vivant. C'est du côté du vivant, du côté de ce qui est animé, de ce qui nous met en mouvement, de ce qui a des sensations, des émotions... la vie intérieure elle-même. Donc c'est toute cette réalité qui fait de nous des vivants, mais des vivants qui sommes voilà, aussi plus ou moins conscients de ce que nous vivons. Enfin, donc c'est aussi pour ça qu'on est des humains. Et l'autre notion, c'est le terme « körper », donc qui est directement issu du latin « corpus », enfin, qui est assez immédiat, et que lui a donc relié plus précisément au corps objet, au corps donc chose. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de refuser purement et simplement l'expérience d'un corps qui serait une chose, parce que de fait, c'est aussi ce qu'on vit quand on fait beaucoup de choses sur un plan un peu automatique. D'une certaine manière, notre corps, il est un peu objectivé. Mon corps n'est pas un objet. Il est le véhicule de tous mes rapports avec le monde. Maurice Merleau-Ponty, la phénoménologie de la perception. Je ne suis pas, en tant que j'ai un corps, pure conscience, mais engagé dans le monde par ce corps à l'aide duquel je perçois. Je ne connais pas seulement le monde, comme dit Heidegger. Je suis au monde. La philosophie a pour rôle de nous faire retrouver ce lien avec le monde qui précède la pensée proprement dite. Et vous, vous vous sentez plutôt Leib ou plutôt Körper? Et qu'est-ce que c'est ce corps situé? Pourquoi cette attention tout à coup au corps vécu? Parce que c'est le centre de notre existence, comme dit Husserl, hein. C'est le point zéro à partir duquel, au fond, toute notre expérience s'ordonne. Donc rien n'est plus central que le corps. On peut jamais se défaire de son corps, on peut jamais se décentrer de son corps. Donc on peut dire que c'est la condition fondamentale de tout ce que l'on sent, mais aussi de tout ce que l'on vit, et même de la pensée. Donc son importance est liée, au fond, à sa position centrale dans toute existence. Oui. Il a un peu remplacé, au fond, la conscience dans la philosophie classique, où il y a eu une sorte de glissement de la conscience au corps, et le corps est devenu, au fond, le point d'Archimède, on parlait Descartes. Et comment Husserl, tout à coup, se rend compte de ça? Comment il arrive à identifier que c'est le corps qui doit être regardé d'une façon nouvelle? C'est surtout lorsqu'il a écrit en fait un livre sur l'espace, les choses dans l'espace, et donc il s'est aperçu que les choses dans l'espace s'ordonnaient par rapport à notre corps, que tout ce qui était spatialement situé autour de nous l'était par rapport au point de référence qui était notre corps. Donc le corps est devenu au fond le centre de regard, le centre de perspective autour de l'espace qui était autour de nous. Et du coup, le corps a été remis au centre de la philosophie. Oui, il était déjà sans doute un petit peu avant la phénoménologie, mais la phénoménologie quand même a accentué ce glissement vers la dimension corporelle. Bon, le corps a été redécouvert, on peut dire, dans la philosophie moderne aussi par la psychanalyse, etc. Mais elle apporte un autre regard sur le corps. La phénoménologie s'intéresse quand même à la dimension vécue, la dimension motrice, la dimension affective de notre présence au monde par le corps et dans le corps. Hein. Et l'affectif, c'est pas seulement les sentiments, c'est vraiment comment on est impacté. Oui, moi je distingue en trois dimensions dans l'affectivité, quoi, les sensations organiques de bien-être ou de mal-être, les sentiments qui eux sont liés à des objets ou à des personnes, et puis les ambiances qui elles ne sont ni organiques ni reliées à des objets et qui flottent un peu autour de nous. Ces trois dimensions constituent l'affectivité dans la grande, faut dire, caractéristique. C'est des variations de plaisir et de peine, enfin. C'est la polarité qui constitue l'affectivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affectivité s'il n'y a pas au moins une forme de plaisir ou de déplaisir. Oui. Et puis, leurs différentes combinaisons. Ça. Nous sommes traversés par le ravissement du printemps ou perdus dans l'angoisse des ténèbres. Ivres d'amour ou oppressés, mais toujours pris dans et par l'être corporel qui nous fait face, dans l'espace ou le temps. Heidegger, être et temps. Alors, vous en êtes où? Plutôt Leib ou plutôt Körper? Ou les deux à la fois? Car en effet, par notre corps, nous sommes à la fois sujet et objet, chair vivante et matière animée. C'est par nos corps que nous sommes engagés au monde. Penser à partir du corps pour penser notre façon d'être au monde, c'est ce que le film documentaire Boom Boom de Laurie Lassalle nous permet aussi de sentir et de réfléchir très concrètement. Laurie Lassalle, vous êtes cinéaste. Vous avez réalisé le film Boom Boom, dans lequel vous avez suivi notamment les manifestations parisiennes des Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que votre film s'appelle Boom Boom? Je pense pour d'emblée établir un lien physique et corporel ou réel. Boom Boom, c'est à la fois le son du cœur et le son d'une grenade, par exemple, qui explose. Et c'est une sonorité. Et j'aimais que ce soit à la fois simple et qu'après le film, on ait encore ce son qui résonne. Pierrot, je t'ai rencontré il y a quelques jours. Je devais aller chez le coiffeur. Et c'est toi qui m'as coupé les cheveux. On a parlé de films, d'arts martiaux, de révolution. Tu m'as dit que tu avais quelqu'un dans ta vie. Tu étais en couple libre. Tu tentes de nouvelles formes. Tu rêves un nouveau monde. Et moi, je veux ouvrir ce monde avec toi. me suis engagée autant physiquement que derrière ma caméra. Donc, en fait, je pense que je me considère à la fois comme militante et à la fois comme filmeuse, ce qui fait que je suis constamment en tension entre la nécessité de filmer et ma colère, en gros. Cette tension me met en mouvement et du coup, j'étais un corps en mouvement parmi ces corps en mouvement dans le mouvement des Gilets jaunes. Et donc pour moi, il y avait cette évidence que pour retranscrire l'énergie, la vitalité de ce mouvement, il fallait suivre des corps qui étaient eux-mêmes en mouvement. La sensation physique et le corps, c'est une référence qu'on a tous, qu'on éprouve chaque jour et à laquelle on peut se référer en permanence. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle est d'autant plus légitime et juste dans la façon de montrer le réel. Il m'a semblé que de filmer une parole en mouvement, enfin en tout cas j'ai constaté que c'était pas la même parole que quand on est assis derrière une table chez soi ou dans la rue. Et moi quand je suis dans le mouvement, ma pensée elle se met en mouvement et je sais pas, je vais plus vite. Et donc en gros j'ai filmé avec un 50 mm qui fait que je suis obligée de me rapprocher des gens. Et en même temps, comme j'étais constamment dans la manif, en mouvement avec eux, j'étais obligée de me reculer parce que en fait, les gens ils débordaient quoi, du cadre tout le temps. Donc ils débordent de l'image, tout comme leurs paroles débordent. Le fait que la caméra soit pas équipée, n'ait pas de steadicam, donc de stabilisateur, ça crée une image assez chaotique et proche du corps. Et du coup, ça me permettait de retranscrire d'autant mieux la dimension physique et la dimension chaotique aussi des manifs. Laurie Lassalle, dans votre film Boum Boum, vous entremêlez deux récits principaux, celui des manifestations parisiennes des Gilets jaunes et celui d'une histoire d'amour que vous vivez à l'occasion de ces manifestations. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mêler le récit d'une lutte politique avec celui d'une histoire d'amour ? J'ai vécu le mouvement à la première personne. Le fait d'être à ce point dans un rapport corporel et physique, dans ma manière de filmer la manifestation aux gens, enfin la répression, etc. Finalement, j'avais filmé l'histoire d'amour sans vraiment m'en rendre compte de cette manière-là aussi. Et donc, j'ai filmé le corps de Pierrot comme le corps des manifestants de manière finalement peut-être, sensuelle, quoi, d'une certaine manière. Et donc c'est ça qui m'est apparu quand j'ai déroché en fait. J'avais pas senti à quel point finalement le fait de filmer à la première personne en quelque sorte révélait mon regard sur ces corps et sur notamment le corps amoureux. Et je pense qu'en fait mon film il raconte la trajectoire d'un corps amoureux, de corps en lutte et de corps blessés. En tout cas tout ça s'entremêle quoi. Notre thèse est « L'homme vit continuellement au sein d'ambiance ». Tu m'écris. J'ai trop kiffé la manif. Mais surtout, j'ai kiffé toi. Il n'est pas simplement conscience de soi ou souci. 24 heures sur 24. Il est dans sa relation à soi, aux autres et au monde, pris par des ambiances, jogging, enveloppé en elle. Boule-caisse, lacrymo, bonheur, douceur, euphorie, et faire ce que j'ai à faire. L'ambiance forme le dôme invisible sous lequel se déroulent toutes nos expériences. Tu réponds. J'écris un rap gilet jaune en pensant à nous. Bruce Bégout. Boum boum. Le concept d'ambiance. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. Tu pardonnais ça mon Macron, genre. En vieille bébé, tu viens. Souvent, Bruce Bégout, vous vous intéressez à des objets qui ne sont pas très classiquement philosophiques. Et récemment, vous avez publié un livre qui s'appelle « Le concept d'ambiance ». De quoi s'agit-il, ambiance, dans un regard phénoménologique ? En faisant ce travail, je me suis aperçu qu'il y a un décalage entre la manière dont les gens ressentent les ambiances et la manière dont ils en parlent. C'est-à-dire qu'au fond, l'ambiance est un phénomène global, holiste, si vous voulez, qu'une totalité d'expériences qui tout d'un coup que vous sentez, qui vous enveloppe, qui vous traverse. C'est un phénomène affectif et c'est un phénomène immédiat. Et la manière dont les gens en parlent, ils ont plutôt tendance à la décomposer en éléments, soit objectifs, soit subjectifs, et à penser l'ambiance comme une sorte de synthèse de tous ces éléments. Par exemple, on va dire, bon, une ambiance serait à la fois la lumière qui nous entoure, la saison qui nous entoure, le vent, l'air, mais aussi l'humeur dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous sommes plutôt joyeux, plutôt en colère, plutôt tristes, etc. Et puis, la synthèse de tout cela, ça formerait une ambiance. Donc ça, c'est un peu la théorie, je dirais, ordinaire de l'ambiance. Or, je crois qu'elle n'est pas du tout adéquate à la manière dont on ressent l'ambiance, parce que quand on ressent une ambiance, on ressent une unité d'expérience, holiste, immédiate, non analytique, comme une immersion dans quelque chose qui nous saisit à un moment donné et qui nous traverse. Il y a différents reliefs des ambiances. Pour dire, il y a des ambiances superficielles, passagères, légères, et puis il y a des ambiances plus profondes hein, qui nous marquent durablement. Et on voit d'ailleurs dans les travaux littéraires sur l'enfance que le souvenir fondamental ou les souvenirs fondamentaux sont liés à des ambiances très particulières, liées à un moment, à un lieu, à un événement aussi, voire à une personne, parce que les personnes peuvent être des facteurs importants d'une ambiance. Donc oui, il y a des ambiances dans le passé. D'ailleurs, sous la forme de la réminiscence proustienne, quand on ressent une ambiance passée qui ressurgit, en fait, ce qu'on ressent, ce n'est pas tel ou tel élément. Ce qu'on ressent, justement, c'est cet état global hein, de participation entre soi et ce moment, ce lieu qui transcendait, au fond, toute distinction et toute division. Je crois que nous avons aussi une capacité de sentir les ambiances qui va au-delà même du moment présent. Quoi. J'ai besoin de changer l'atmosphère, et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère. Et dans ce concept d'ambiance, quel est l'enjeu d'aller regarder de ce côté-là, de l'environnement, d'où est le sujet, d'où est l'objet, de ce qui les entoure ? C'est un enjeu multiple. D'abord, je dirais, dans le champ des sciences humaines, on voit depuis une trentaine d'années beaucoup de penseurs qui se réfèrent à l'atmosphère, à l'ambiance, au climat affectif. Et on a même parlé d'un atmospheric turn, quoi, d'un tournant atmosphérique dans les sciences humaines. Vous savez, il y a eu un modèle structural, un modèle psychanalytique dans les années 70. Là, on serait dans une sorte de modèle atmosphérique ou ambientiel. Moi, ce qui m'intéressait plus fondamentalement, c'est de repenser les rapports entre l'environnement et nous. C'est pour ça que j'ai appelé ça éco-phénoménologie. C'est une ontologie, c'est-à-dire une nouvelle théorie de ce que nous sommes, de ce qui est, et justement qui dépasse le dualisme entre le monde et les individus, entre l'objet et le sujet. Et je crois que l'ambiance est une expérience toute simple qui nous fait comprendre que nous participons à une totalité qui nous dépasse. Et que dans l'ambiance, il y a une cessation de ces limites hein, du sujet, de l'objet, du moi et du monde, et qu'il y a une forme de participation à ce qui nous entoure qui est plus profonde que la division et la distinction entre le sujet et l'objet. Je crois qu'il y a toute une refondation de la réflexion écologique sur le rapport entre l'homme et le monde et qui essaie de retrouver une forme de participation affective, corporelle, immédiate entre l'homme et le monde qui irait au-delà des divisions, des dualismes traditionnels que nous avons hérités au fond de la philosophie classique, hein, platonicienne et de la science moderne hein, depuis Galilée. Votre réflexion sur l'ambiance, sur le concept d'ambiance, c'est aussi une réflexion finalement sur comment aussi une certaine sphère d'activité essaye de manipuler les ambiances à des buts un peu de marketing, d'organisation des corps à l'intérieur des espaces. Oui, les ambiances, c'est pas simplement ce que l'on ressent, les ambiances nous font, nous constituent, nous influencent. Et donc les ambiances ont une puissance plus ou moins grande. Et donc parfois, elles nous font faire des choses que l'on n'aurait pas faites si on n'avait pas été dans cette ambiance-là. Ou inversement, elles nous empêchent de faire des choses que l'on aurait voulu faire, mais l'ambiance n'est pas propice à cette action. Donc il y a une puissance. Hermann Schmitz, qui était un philosophe allemand, parlait d'une autorité des ambiances. Et bien évidemment, nous savons tous que certaines organisations spatiales, politiques, économiques, etc., visent à créer certaines ambiances propices à engendrer tel type d'action. D'ailleurs, il y a un certain fantasme, je dirais, d'une volonté de contrôler les ambiances, hein, qui sont un fantasme étatique, commercial, ou même dans les dispositifs scéniques, artistiques, d'influencer la manière dont les gens vont ressentir le lieu et le moment par la maîtrise de différents éléments ambientiels. Mais je crois que fondamentalement, il y a tout de même quelque chose dans l'ambiance qui résiste à ce contrôle, quelque chose qui est indisponible à notre action. Les ambiances agissent sur nous, je ne suis pas sûr que nous puissions agir réciproquement de manière totalement contrôlée et maîtrisée sur les ambiances. Ce qui nous réunit, c'est l'espérance de sortir de ce cercle maudit, infernal, qui nous oppresse. En fait, l'espérance d'aller vers le soleil. aucun État ne repose sur ces trois vecteurs. Hein. Justice, bonté, vérité. C'est pour ça qu'on est dans la merde. C'est pas un marché. Moi, je vais vous aider. Il y a trop de bruit. Trop de bruit. Taisez-vous. Je pense que dans un premier temps, on était assez galvanisés par la force du mouvement, par... En fait, tout marchait de concert, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la confiance dans une histoire d'amour naissante et la confiance dans un mouvement naissant. Et peu à peu, la peur a gagné aussi parce que voir tous ces blessés graves et le doute qui s'immisce aussi dans l'histoire d'amour. Et en fait, ça a coïncidé d'une certaine manière. En tout cas, dans le film, ça coïncide. C'était l'idée que, encore une fois, c'est évidemment une métaphore, mais c'était aussi l'idée que un sentiment n'est pas pur, est toujours impur. Et en fait... est toujours mêlé de nos propres individualités et de nos propres vécus. J'avais besoin, en fait, d'être sincère sur ce que je vivais, moi, pour que le film soit sincère sur les gens aussi, pour qu'on comprenne, un peu plus viscéralement, que chaque personne qui raconte son histoire et sa révolte vit intérieurement les choses beaucoup plus profondément que simplement des revendications sociales. Et que pour moi, tout ça est mêlé et que c'est pas des portraits sociologiques, quoi. J'avais besoin d'activer un, je sais pas, comme une espèce d'inconscient de la colère, quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Il n'y a pas de révolution sans rage, sans colère, sans joie, sans sentiment. Et que derrière les grands idéaux, que sont la justice, etc., en fait, il y a des affects. Le phénomène de l'affectivité. L'affectivité, c'est là aussi une condition fondamentale de notre rapport au monde, qui a souvent été minimisée. On a plutôt mis en avant le rapport théorique ou le rapport pratique, mais le rapport affectif est tout aussi constitutif de ce que nous vivons. C'est-à-dire, dès que nous vivons quelque chose, notre première manière de le vivre, c'est de l'évaluer affectivement. C'est-à-dire, est-ce que c'est plaisant ou déplaisant ? L'affectivité constitue, en tout cas pour bon nombre de phénoménologues, hein, pour Husserl, pour Max Scheler, qui a beaucoup écrit sur l'affectivité, ou même pour Heidegger, décrit, oui, une dimension, on pourrait dire, inexpugnable de l'expérience que nous faisons de nous-mêmes, des autres et du monde. Hein. Laurie Lassalle, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas un film unique sur les Gilets jaunes ou sur n'importe quel mouvement historique. Il y a toujours le film d'une personne qui regarde et qui interroge d'une certaine façon ce qui est en train de se produire, le réel devant lui. Oui, exactement. Bah, moi, je crois beaucoup, encore une fois, à la multiplicité des regards. Et c'est vrai que se positionner, en tout cas de cette manière-là, avec une caméra qui suit les mouvements d'un corps à l'intérieur d'une foule où des corps sont en mouvement... C'est une façon de dire « je ne suis qu'un corps parmi tous ces corps ». Et du coup, c'est une façon, encore une fois, de se positionner très clairement sur le fait qu'on est tous des corps politiques. Et donc, on a tous nos regards, nos interrogations, et elles sont toutes singulières. En fait, j'ai eu l'intuition que la mise en jeu du corps, parfois sa mise en danger aussi, c'était un enjeu de la sincérité de l'expérience. Et de sa dimension brute, voire parfois brutale. Et du coup, en fait, cette prise de risque, elle me semble nécessaire. Enfin, pour accéder à un réel le plus singulier, donc le plus précis possible, d'une certaine manière. Et je crois beaucoup et de plus en plus aux petites fenêtres et aux petits axes qui permettent, comme par rayonnement, c'est comme si on regardait par le trou d'une serrure ou une petite fenêtre qui met la lumière sur un angle du réel et qui nous fait découvrir plus profondément que si on avait une vue d'ensemble. Quoi. La dimension prélogique de l'existence. Bah, prélogique, ça signifierait qu'avant que nous mettions en œuvre des types de raisonnements, d'analyses fondées sur la rationalité discursive, sur notre manière de parler à partir d'argumentations, de raisonnements, bah, il y a le monde qui est là, et le monde n'est pas tout à fait logique. Hegel disait que tout le réel est rationnel. Bon, la phénoménologie est moins sûre de cela. Il y a du réel, la dimension de l'expérience, qui est dense, qui est complexe, qui est mouvante, et puis la manière de dire, à partir de la pensée logique, cette réalité-là, mais il n'est pas sûr qu'il y ait un recouvrement continuel et constant entre l'expérience et la logique. Donc le monde pré-logique, bah, c'est le monde qui précède au fond notre capacité de raisonner et qui excite aussi cette capacité de raisonner. Parce que nous voulons rendre raison de ce qui précède la raison. Et je crois d'ailleurs que l'un des fondements du mouvement phénoménologique, il est là. C'est un effort pour rendre raison de ce qui précède la raison. Donc c'est une logique du monde pré-logique. Un philosophe est un homme qui oppose sa conscience à l'opinion. Être une conscience, c'est être ouvert au monde. Être fidèle, c'est faire comme si le temps n'existait pas. La sagesse, ce serait si on pouvait voir la vie, vraiment voir. Ce serait ça, la sagesse. Clara Da Silva, vous êtes enseignante de philosophie en classe de terminale au lycée Lavoisier à Paris. Chaque année, vous enseignez la phénoménologie aux élèves. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour présenter ce courant ? Et comment est-ce que les élèves accrochent avec cette théorie ? Alors moi, je leur parle de phénoménologie dans le cadre de mon cours sur la conscience. C'est-à-dire, je leur présente les choses comme une petite initiation à un courant de pensée très important qui me semble très structurant pour l'histoire de la philosophie, même si ça a l'air un petit peu technique au départ. C'est-à-dire que je les initie à une notion qui est très importante en phénoménologie qu'on appelle l'intentionnalité. Et cette notion de conscience intentionnelle ou d'intentionnalité permet d'élargir en fait le champ de ce qu'on entend en philosophie par conscience depuis Descartes. Donc ça permet d'éclairer une manière de se rapporter au monde qui est plus large que la conscience chez Descartes, qui est une conscience qui permet de connaître essentiellement le monde, ou encore chez Kant, de se représenter le monde. Là, l'intentionnalité chez Husserl, mais aussi et peut-être surtout pour eux chez Sartre et Merleau-Ponty après la Seconde Guerre mondiale, c'est une notion qui permet d'enrichir en quelque sorte ce que j'appelle les harmoniques de la conscience, c'est-à-dire d'enrichir notre rapport au monde, de montrer que la conscience, elle sert pas seulement à connaître le monde, mais elle sert à le percevoir, elle sert à se le rappeler, l'imaginer, être ému par le monde, etc. Et donc, toutes ces harmoniques-là, toutes ces manières plurielles d'être au monde, elles sont pensées par la phénoménologie. Intentionnalité, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un peu ce mot-là qui fait parfois problème pour les élèves, mais en fait, la conscience intentionnelle, ça veut dire viser le monde. C'est-à-dire que on ne contient plus le monde à l'intérieur de soi. La conscience n'est plus une conscience qui connaît le monde et qui donc s'approprie le monde à l'intérieur de soi. Mais être dans l'intentionnalité ou parler de conscience intentionnelle, ça veut dire que toute conscience est conscience de quelque chose d'autre qu'elle-même. Donc elle se rapporte au monde comme on vise dans un viseur photographique. En fait, on est à l'endroit où on tient l'appareil et en même temps, on se rapporte à quelque chose qui n'est pas à l'endroit où on est. Et donc ça signifie qu'il y a différentes modalités de la visée. C'est-à-dire que je peux viser le monde d'une manière imaginative ou d'une manière perceptive ou d'une manière amoureuse ou d'une manière esthétique. Et que donc, toutes ces visées-là, plurielles, elles vont constituer ce qu'on appelle les actes de conscience. Moi, je donne toujours cet exemple. C'est un texte de Husserl qu'on trouve dans les Méditations cartésiennes, qui est une conférence qu'il a prononcée à la Sorbonne. Et en fait, dans ce texte-là, Husserl prend un exemple qui est la perception de la table. Bon, alors, c'est pas un exemple très parlant. Donc, pour les élèves, je le déporte un petit peu vers un autre objet et je leur dis qu'on a tous été déjà invités dans une maison qu'on connaissait pas ou dans un lieu qu'on connaissait pas et qu'avant d'y aller, on se rapporte à ce lieu d'une manière imaginative. Donc, c'est une première visée. Imaginative, on imagine cette maison où on va être invité. Et puis ensuite, un jour, on prend le train, et puis on y arrive dans cette maison, et on la perçoit. Nouvelle visée, qui vient recouvrir la visée précédente. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle même plus, quand on est dans cette maison, chacun peut consulter son expérience, on ne se rappelle plus comment c'était avant d'y être. Et puis un jour, on va quitter cette maison, et cette maison, on va se la rappeler. Donc, on a une nouvelle visée. Et puis, quand on est dans cette maison, quand on se meut dans cette maison pendant ses vacances, notre corps va se faire à cet espace, il va s'habituer aux pièces, il va trouver une familiarité dans les interrupteurs, les couloirs, etc. Et voilà, on va avoir une visée et une vision, mais surtout une visée en termes phénoménologiques qui va être motrice, qui va être fondée sur la motricité du corps. Donc tout ça, ça enrichit notre rapport au monde. Ça ne veut pas dire que la maison n'existe pas en soi, mais ça veut dire que l'existence de la maison est en quelque sorte à l'intersection de toutes ces visées-là. Donc les conséquences sont énormes, parce que ça veut dire donc que la réalité du monde, elle est à l'intersection de tout ce que les uns et les autres, et soi-même à plusieurs moments de sa vie, nous percevons du monde. Ce qui pose un certain nombre de problèmes métaphysiques. Par exemple ? Par exemple, la question de la vérité, ou la question des sciences. C'est-à-dire que le risque, ce serait de se dire à chacun sa vérité, donc tout est relatif. Ça, ce serait une mauvaise compréhension de la phénoménologie. Une bonne, entre guillemets, compréhension, ce serait de dire que la vérité est plurielle, qu'elle est à l'intersection de toutes les visées intentionnelles. Par exemple, on parle de la guerre d'Algérie beaucoup aujourd'hui. La réalité de la guerre d'Algérie, elle est à l'intersection de toutes les visées intentionnelles historique de la guerre d'Algérie. En fonction de chaque époque, on va poser de nouvelles questions à cette période historique, en fonction de nos propres vécus aujourd'hui. Où est donc la vérité, de face ou de profil ? Et d'abord à l'objet, qu'est-ce que c'est ? La phénoménologie, la nouvelle conception de l'esprit développée par Husserl, ce qu'il avait appelé l'esprit compris comme ouverture sur le monde. Alexandre Coiré, dans l'émission Souvenirs sur Husserl, 4 mai 1957. La doctrine de l'intentionnalité de la conscience était pour nous une libération. On avait par là, on se sentait par là de nouveau en contact avec le monde. On avait reconquis l'objectivité, le monde des valeurs objectives, le monde s'enrichissait, aussi bien le monde de la réalité que le monde de la conscience. La conscience nous permettait d'entrer en contact avec les choses. Et c'est ce que Husserl nous disait toujours, retour aux choses. Elle nous ouvrait non seulement le monde de la réalité sensible, le monde de la réalité quotidienne, non seulement le monde des valeurs, qui par là obtenait une objectivité, elle nous ouvrait aussi le monde des entités idéales, réalité mathématique, le monde des nombres, le monde des formes. Elle nous ouvrait, croyons-nous, l'accès à une philosophie qui pourrait nous expliquer la structure essentielle du monde. Bruce Bégout, j'ai l'impression parfois que dans la phénoménologie, il y aurait comme un essai d'embrasser tout. Alors peut-être toute la philosophie a toujours voulu parler de tout, être tout, dire le vrai, mais peut-être avec la phénoménologie, tous les objets sont intéressants. Il n'y a pas de hors-champ, il n'y a pas d'objet qui soit déclassé de la philosophie. Alors ça, vous avez raison, peut-être que l'une des nouveautés, en tout cas de la phénoménologie, a été de mettre fin à la hiérarchie entre les objets nobles de la pensée philosophique et les objets moins nobles. Et de considérer au fond que tout objet est digne de réflexion. Et d'ailleurs, on a des textes célèbres de Husserl où il décrit une bouteille de bière, etc. Et donc, effectivement, il y a un parti pris qui est de refuser les hiérarchies traditionnelles du discours philosophique, notamment entre l'âme et le corps, enfin, ou entre des concepts qui seraient des concepts relevant de la grande tradition métaphysique et puis d'autres notions qui n'auraient pas droit de citer dans le champ philosophique. Non, il y a une sorte de, pour dire presque, de démocratisme notionnel dans la phénoménologie, au sens où toutes les notions, toutes les expériences sont égales en droit. Et d'ailleurs, on peut partir de n'importe quel phénomène et à partir de là, en tirer, au fond, le sens de même de la totalité. Donc effectivement, il n'y a pas d'objet privilégié. Encore une fois, ça peut être un arbre, ça peut être un nombre, ça peut être une loi, ça peut être un objet d'art, etc. Tout est bon pour faire de la phénoménologie. Oui. Est-ce que c'est parce que tout objet est occasion d'expérience du réel ? Oui, sans doute, oui. Puis parce que comme tous les objets sont liés à tous les autres, au fond, on peut partir de n'importe quel objet, même l'objet le plus minime, et de toute manière, on retrouvera l'ensemble des relations de tous les objets entre eux, et même le sens de la totalité. C'est un enrichissement considérable de notre manière de philosopher. Et c'est pour ça que je ne l'enseigne pas comme un corps de doctrine, mais il me semble que c'est une façon de faire de la philosophie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la philosophie, en fait, c'est ce que Merleau-Ponty appelait le dehors de la philosophie. C'est en quoi la philosophie, ça n'est pas une fin en elle-même, en soi, mais c'est une manière de se rapporter au monde, en fait. Et donc, ce qui m'intéresse dans la phénoménologie, c'est comment elle peut nous permettre d'être cinéphile, comment elle peut nous permettre de penser des objets artistiques ou des réalités politiques ou des engagements ou voilà toutes nos manières d'être au monde qui sont tellement plurielles qu'elles sont très riches en effet. Cette expérience de redécouverte du monde à travers la phénoménologie s'est déclinée en différentes philosophies de l'existence, de l'existentiel, de l'expérience vécue, dont l'une des plus célèbres est l'existentialisme de Sartre. Ce nom qu'il a fini par adopter lui fut d'abord adressé comme une injure. Il paraît que nous sommes des désespérés. Mais en réalité, les gens affirment sans preuve que l'existentialisme, c'est la mode du désespoir. Et il est visible que la plupart n'ont jamais lu une ligne de ce dont il parle. On écoute ici la voix de Jean-Paul Sartre dans une archive de son émission Les Temps modernes de la radiodiffusion française en 1947. Dès que le mot est en vogue, vous avez des gens qui commencent à gagner de l'argent avec. Vous avez par exemple des bars qui se disent existentialistes. Qu'est-ce qui peut faire l'existentialisme d'un bar? La décoration. Vous avez même un couturier existentialiste. En fait, n'est-ce pas, l'existentialisme, c'est une philosophie. Les gens ne savent jamais ce que c'est qu'une philosophie, bien entendu, puisqu'ils pensent par passion. Philosophie, c'est-à-dire quand même un effort des gens pour s'interroger sur eux-mêmes. C'est quelque chose de difficile à comprendre. La grande idée de l'existentialiste, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. Alors ça, ce sera la vraie question de Sartre, hein, l'agir, la liberté. Qu'est-ce qu'il m'est permis de faire ou quelle est ma latitude d'action par rapport à cette facticité, hein. Dans facticité, on entend le mot fact, et en même temps, on entend quelque chose comme factice, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas le plus important. La facticité, c'est ce dont le sujet n'est pas l'auteur. C'est ce que je suis appelé à vivre ou ce dans quoi je suis appelé à me mouvoir sans l'avoir choisi. Par exemple, ma famille. Par exemple, mon environnement social. Par exemple, l'époque à laquelle je nais. Je ne l'ai pas choisi et cependant, je suis donc située là-dedans. Et qu'est-ce que je vais en faire ? C'est moi qui vais lui donner un sens. Le monde n'a de sens que relativement à moi qui lui en donne un. La facticité permet de comprendre comment on peut, en quelque sorte, réconcilier déterminisme et liberté. Donc, les conditions socio-économiques font que je nais dans un milieu que je n'ai pas choisi, qu'il y a en effet un verdict social qui est posé sur moi dès lors que je parais au monde. Et cependant, il me revient de donner un sens à ce verdict. Donc ce n'est pas un fatalisme, c'est au fond tout le contraire. Et ça se rapprocherait davantage peut-être d'une philosophie comme celle de Spinoza, c'est-à-dire « je peux ce que je peux ». Eden, vous êtes lycéenne à Paris et vous avez découvert la philosophie phénoménologique, l'existentialisme et en particulier Sartre. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces découvertes ? Ce qui m'a marqué, c'est l'écho que ça a eu avec mon histoire personnelle, particulièrement cette année, qui est liée à l'anorexie. Alors moi, j'ai des problèmes de rapport avec la nourriture depuis la quatrième. Et particulièrement cette année, en novembre, sans que je sache vraiment pourquoi, ça s'est accéléré et j'ai perdu genre 7 kilos en un mois, un truc comme ça, et donc j'ai arrêté d'aller au lycée et tout ça. Et quand je suis revenue, justement, il y a eu ce cours sur la liberté, la semaine de mon retour au lycée, voilà, c'était un hasard, mais... Parce que l'anorexie, c'est une maladie mentale, et la thèse de Sartre dans l'existentialisme m'a vachement fait penser à ça, par rapport au déterminisme qui sont considérés comme un obstacle à la liberté et la maladie qui est un déterminisme. Mais Sartre dit que accepter les déterminismes et les reconnaître, ça permet d'être plus libre. Et le problème dans l'anorexie, c'est de reconnaître qu'on est malade, parce que au début de la maladie, pour la plupart des personnes qui en souffrent, on est dans un déni total de la maladie, on a l'impression que tout va bien et on dit à tout le monde que tout va bien, et il y a énormément de mensonges, et c'est un peu une attitude là, du coup, qui m'a fait penser à la mauvaise foi. Et donc ce serait de refuser sa liberté sous prétexte qu'on est limité par ses déterminismes, et donc pour le cas de l'anorexie, de s'y complaire un peu et de refuser qu'on a la possibilité de s'en sortir, et en fait il n'y a que nous qui pouvons nous sortir de là, il n'y a personne d'autre qui a la main là-dessus. Même si on est aidé par des professionnels, par notre famille, qu'on est soutenu et tout ça, il n'y a que nous qui avons un moyen d'action. Parce que la liberté, c'est quand même une question qui est assez importante dans l'anorexie, puisque enfin, on pense qu'on est libre en ne mangeant pas et qu'on est au-dessus des autres parce qu'on arrive à survivre sans répondre aux besoins primaires. Alors qu'en fait, l'anorexie, ça ferme complètement l'esprit, puisqu'on est enfermé dans un truc et on est en boucle et on pense qu'à ça, on pense qu'à la nourriture toute la journée, à ce qu'on va manger, à ce qu'on a mangé, etc. Et il n'y a plus rien d'autre. Et en fait, c'est exactement le contraire d'être libre, puisqu'on est complètement, enfin, dans une prison, quoi. Il n'y a plus rien d'autre. Et on se dit que c'est les autres qui ne sont pas libres et qui sont enfermés dans, juste parce qu'ils ont une relation normale à la nourriture, en fait, et qu'ils mangent suffisamment pour pouvoir être en bonne santé. Et au début, en tout cas, quand on n'est pas trop affaibli et tout, puisque au début, manger moins, ça donne de l'énergie, ça donne un peu l'impression d'être super puissant et d'avoir plein de force. Et ce que j'ai compris de Sartre, c'est donc pour être libre, il faut reconnaître la finitude, donc courir le risque perpétuel de voir ses entreprises échouer. Et ça, c'est le problème avec l'anorexie, c'est qu'on a l'impression d'être invincible. Du coup, enfin, on ne reconnaît pas du tout la finitude. Moi, j'ai envie de faire de la philosophie l'année prochaine pour mes études. Puisque j'adore la philo, je me suis dit, c'est vrai quand même, enfin, je vais écouter ça quand même, c'est pas mal. Et je pense que ce cours et la lecture de Sartre, ça m'a aidé à prendre conscience que l'anorexie, c'était pas la liberté, et que la liberté, c'était autre chose. Le tour de force de Sartre, c'est de nous dire, on ne peut pas ne pas être plongé dans une forme de nécessité, c'est-à-dire dans un certain nombre de choses qu'on ne choisit pas, mais on ne peut pas ne pas choisir une attitude vis-à-vis de cette nécessité. Donc nous sommes, selon la formule célèbre, nous sommes condamnés à être libres. C'est même pas qu'il y a une part de liberté, c'est que nous sommes libres. Et donc, nous sommes responsables de ce dont nous ne sommes pas responsables. Nous devons rendre raison, répondre de ce dont nous ne sommes pas responsables. Nous avons comme responsabilité de donner un sens à ce que nous n'avons pas choisi. Et il est là le grand défi sartrien, elle est là la grande force, et je crois que c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup, beaucoup aux élèves. Je crois que c'est peut-être le cours le plus important de l'année de terminale, le cours sur la liberté, parce que ils arrivent avec beaucoup d'idées reçues, comme nous tous, hein, sur la liberté. Bah, être libre, c'est faire ce qu'on veut, etc. Et puis on se rend vite compte que cet argument, on le balaye assez simplement, hein, avec le déterminisme. Et en même temps, c'est ce moment-là où il réalise que, et je crois que c'est Sartre qui nous aide à le faire, il réalise que, au fond, ce déterminisme, il a un sens par rapport à nous. Et l'idée que, voilà, nous sommes des constructions, que nous nous construisons nous-mêmes, que nous pouvons aussi infléchir le sens de nos constructions, que ce que nous croyons être notre propre identité, essentielle, elle est mouvante, elle est plurielle, elle est susceptible d'être détricotée, travaillée, réanalysée, que nous sommes davantage une question qu'une affirmation, toutes ces choses-là. Oui, je sens que les élèves y sont très sensibles. Eden, vous êtes aussi chanteuse, choriste. Dans quel ensemble chantez-vous ? Alors en ce moment, je chante au chœur de jeunes de l'Orchestre de Paris, qui réside à la Philharmonie de Paris. Et l'année prochaine, j'espère monter au chœur d'adultes, qui est c'est la continuité en fait pour le post-bac. Quelle est l'expérience que vous faites justement au niveau corporel, sensoriel, de chanter dans cet ensemble ? chanter dans un chœur, ça me donne vraiment l'impression de faire partie d'un tout. Et ça demande de s'effacer complètement et d'être extrêmement à l'écoute des autres pour créer une homogénéité. Et quand ça fonctionne, ça donne un sentiment assez incroyable de... Bah, c'est un peu une sorte d'effacement du corps pour former un autre avec tous les autres choristes. Et ça crée une sorte d'alchimie et c'est assez magique comme sentiment. Puisqu'on est obligé de s'écouter, parce que s'il y en a un qui chante trop fort et qui s'entend par-dessus le groupe, enfin, un chœur qui fonctionne, c'est un chœur où quand un seul pupitre chante, on a l'impression qu'il y a une seule personne qui chante tellement c'est homogène. Et ça demande une capacité d'écoute énorme et du coup de former comme une seule personne. Pour moi, c'est la seule expérience qui crée une connexion entre des gens qui est aussi forte, alors que souvent on ne se connaît pas du tout, on ne s'est jamais parlé ou quoi. Mais on arrive quand même à créer un truc et c'est assez fort. Et si maintenant je pousse plus loin l'analyse, je trouve qu'il y a simplement une raison de vivre, parce qu'il y a d'abord le souvenir, et ensuite le présent, et la faculté de s'y arrêter pour en jouir. C'est-à-dire justement... d'avoir attrapé au passage une raison de vivre et de l'avoir gardée quelques secondes après qu'elle vienne d'être découverte au milieu des circonstances uniques qui l'entourent. Merci à Bruce Bégout, Nathalie Deprat, Laurie Lassalle, Clara Da Silva, Eden. Merci aussi à Jean-Baptiste Nanta, à Dorine Brun, à JHR Film pour les extraits de Boom Boom de Laurie Lassalle. Et vous aurez peut-être reconnu les extraits des films Le Mépris, Deux ou trois choses que je sais d'elle, Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard, Matrix des Wachowski et L'Hôtel du Nord de Marcel Carné. Lecture Olivier Martineau, prise de son Yvan Charby, Martin Troadec et Philippe Mercher. Mixage Manuel Couturier. Documentation Annelise Signoret. Archive INA Inès Barja. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. C'était Philosopher avec son corps. Bienvenue en phénoménologie. Épisode 2, Penser en chair et en os. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.